بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب ما زلنا في جواب المؤلف على هؤلاء المدعين بالإسلام الذين يشركون بالله، يعني يجاوبهم بجواب مفسر. Donc là on continue toujours dans les réponses détaillées de l'auteur aux ambiguïtés de ces mouchidékines qui s'apparentent à l'islam. Et la dernière fois, on avait pris ce qui était makana yata'allaq bishafa'a, ce qui était lié à la shafa'a. Qala, rahimahullah ta'ala, fa'in qala al-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam urtiya shafa'a wa anna atlubuhu mimma ahtahu Allah, fal-jawab anna Allah ahtahu shafa'ata wa nahaka an hadha. فقال فلا تدعوا مع الله أحدا فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه أن يشفع نبيه فيك فأطيعه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا وأيضا فإن شفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراد يشفعون أتقول إن الله أعطاهم شفاعة فأطلبها منهم فإن قلت هذا رجعت لعبارة الصالحين التي ذكر الله في كتابه وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله شفاعة ونطلبه مما أعطاه الله. Donc s'il te dit, cette personne-là, pour tenter de te convaincre, il te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'intercession. Et moi, je ne fais que rechercher ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. La réponse, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé l'intercession. Mais également, il t'a interdit de l'invoquer. Donc, tu désires une chose tout en faisant une chose qui s'y oppose. Comme Allah Ta'ala, dans le sens où il dit, et n'invoquer avec Allah, ou n'invoquer personne avec Allah. Donc, l'intercession, naam. Mais la vocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de quiconque, il a bien dit, ahada. Wa la tad'u ma Allahi ahada. Et là, il y a dans les règles de Usul al-Fiqh, le mot ahada, c'est un mot qui est nakira, indéfini. Et ce qui vient dans une phrase négative ou d'interdiction ou de question rezadika, ça inclut toute chose. Yufid el-umum. Toute chose. Il n'a dit personne. Donc il n'y a aucune exception. Ni prophète, ni malak, ni djinn, ni wala shay. Wala shay min hadi umur. Donc si jamais tu invoquais Allah qu'il fasse intercéder son prophète pour toi, alors obéis-lui dans sa parole, fala tad'u ma Allahi ahada. N'invoquez personne avec Allah. Et savoir aussi, comme l'auteur le dit, que cette shafa'a, elle a été donnée, elle a été accordée à autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a bien clarifié qu'il a donné aussi aux malaïka. Al-malaïka yashfa'un, ils font intercession. Et les awliya yashfa'un, ils font intercession. Et les afrat, les gens, certaines personnes parmi les mu'minin, yashfa'un. Est-ce que tu vas dire que Allah leur a donné l'intercession, donc je la recherche d'eux aussi? Donc si je disais que cela revient à l'adoration des pieux, que Allah dans son livre a cité, et que toi tu dis non, alors ta parole, ta prétention que Allah a donné l'intercession à son messager, et que tu la recherches de lui, s'annule. De là, elle s'annule. Pourquoi? Parce que lui, celui à qui on parle là, c'est quelqu'un qui invoque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour avoir la shafa'a. Tayyib. Donc on lui dit, pourquoi tu spécifies le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'on est, c'est connu qu'il aura la shafa'a, et autre que lui qui a la shafa'a, pourquoi n'invoques-tu pas également ces créatures? Et là, il sera obligé de te dire que si jamais il les invoque, il sera obligé de déclarer le shirk wadih. Car il sait que dans le Coran, cela a été interdit. Donc là, sa shubuhat, elle se retourne contre lui. Il ne peut reconnaître cela. Thumma qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Fa'in qala ana la ushrik billahi shay'a. Hasha wa kalla. Lakin al-iltija' ila al-salihin laysa bi-shirk. Fa'qul lahu in kunta tuqir anna Allah harrama al-shirk a'azam min tahrim al-zina. Wa tuqiru anna Allah la yaghfiruh. فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يحفره فإنه لا يدري. Donc lui va te dire, moi, je n'associe rien à Allah. Sûrement pas. Cependant, chercher recours auprès des salihin, c'est pas du shirk. Donc dis-lui, si jamais tu reconnais, tu admets que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite le shirk d'une interdiction bien plus grande et bien plus stricte que celle du zina, et que tu sais, tu as reconnu que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas ce shirk, c'est-à-dire pour celui qui meurt sans tawbah. Donc, dis-nous quelle est cette chose que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et qui ne pardonne pas. Wa fi hadha qala Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala ما دام يعتقد أن طلب شفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشرك فهو دليل على أنه لا يعرف الشرك الذي عظمه الله تعالى وقال فيه إن الشرك لظلم عظيم. Donc dit cette personne là, tant qu'elle aura pour croyance que invoquer le prophète صلى الله عليه وسلم en vue d'obtenir la shafa'a, ce n'est pas du shirk, cela démontre qu'il ne sait pas c'est quoi le shirk. Il ne sait pas c'est quoi le shirk. Ce crime immense dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le sens, certes, le shirk est une immense injustice. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui n'a pas compris c'est quoi le shirk. Donc dans ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut lui éclaircir. Qu'est-ce que le shirk? T'as même? Il faut lui éclaircir qu'est-ce que le shirk. فَقَالَ الْمُؤَلِّفُ فَقُلْ لَهُ كَيْفَ تُبْرِئُ نَفْسَكَ مِنِ الشِّرْكِ وَأَنْتَ لَا تَعْلِفُ أَمْ كَيْفَ يُحَرِّمُ اللَّهُ عَلَيْكَ هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه أتظن أن الله يحرمه ويبينه لنا. Donc dis-lui, comment tu t'innocentes de ce shirk alors que tu ne le connais même pas? Comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit une chose et qu'il l'a bien cité, qu'il ne la pardonne pas, et toi tu n'interroges pas à propos de cette chose? Est-ce que tu penses que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit une chose sans l'avoir éclairci? Akaza, Cheikh Al-Uthaymin dit par rapport à ça, فَحُكْمُكَ بَرَأَتْ نَفْسِكْ مِنِ الشِّرْكِ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُهُ حُكْمٌ بِلَا عِلْمٍ فَيَكُونُ مَرْدُودًا. Donc Cheikh il dit que le fait que tu prétendes t'innocenter du shirk alors que tu ne le connais même pas, voyez, cela est un jugement sans science. Toi, tu t'es jugé comme étant innocent du shirk. Ce jugement que tu établis est un jugement sans science, donc il est rejeté. Car tu ne sais pas c'est quoi le shirk. Wa kazalik c'est le bid'a. Combien de gens disent non, fais pas de bid'a, et ils savent pas c'est quoi la bid'a, ils sont plongés dedans et noyés dedans. Plein de gens. T'en as certains, alhamdoulilah, ils reconnaissent, ils disent qu'il y a des bonnes bid'a. Et certains vont te dire non, fais pas de bid'a. T'as même? Et lorsque tu viens à débattre avec lui sur la bid'a, tu te rends compte, tu ne sais pas c'est quoi une bid'a. Ou كذلك الحزبية. Combien de gens disent, nous on est salafis, on n'est pas des hizbi. Taïeb. Et tu te rends compte en fait qu'en parlant avec lui, il ne sait pas c'est quoi la hizbiya. Il ne s'en rend pas compte. Donc comment peux-tu déclarer une chose alors que tu ne la connais pas? Ou c'est comme également ces gens parmi les koufars qui disent, nous sommes des croyants, comme les Nasara ou les Yahoud ou autres. تقول له هل تعرف معنى الإيمان? Tu sais quoi la foi? Il ne pourra pas te répondre c'est quoi la foi. Où il va t'inventer des choses, il va philosopher. Donc comment peux-tu t'attribuer une chose alors que tu ne la connais pas? Ou d'autres te disent, je ne suis pas un mécréant. Ne m'appelle pas un mécréant. Je lui dis, c'est quoi la mécréance? Ou il va t'inventer quelque chose, ou il ne saura te répondre. Tu lui dis, donc comment peux-tu t'inventer une chose que tu ne connais pas? Donc là, min al-muhimmat an ya'lam al-insan yatakallam bil-ilm. Quand il parle avec science, il sait ce qu'il dit. Ses paroles sont basées sur quelque chose, pas sur des conjectures. Pas sur des impressions, des sentiments, des émotions. Il parle sur des adillah. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فقل له ما معنى عبادة الأصنام أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها فهذا يكذب القرآن. Donc si jamais lui, après que tu lui demandes qu'est-ce que le shirk, il te répond, le shirk, c'est adorer les idoles. Et nous n'adorons pas les idoles. Donc dis-lui, ça veut dire quoi adorer les idoles? Est-ce que tu penses, c'est-à-dire que les gens de Quraysh qui à l'époque faisaient cela, avaient pour croyance que ces bouts de bois, que ces bouts de pierre créés, tamam, et apporter la substance ou à sauver du danger ou ce genre de choses. Ça, c'est une chose que le Coran dément clairement. Donc cette personne-là, si jamais, soit il reconnaît la chose, et si jamais il ne la reconnaît pas, il aura démenti le Coran. Donc ce sera encore du kufr sur du kufr. Les versets, on les a pris dans notre durus. Que ces gens-là reconnaissaient tout à fait cela. Tawhid al-Rububiyya, et qu'ils disaient bien que ces asnam n'étaient pas des créateurs, n'étaient pas des, ne croyaient pas le risque, n'apportaient pas le risque, ils ne protégeaient en soi. Donc si jamais lui te dit si, on te dit tu auras démenti le Coran. Si jamais il te dit non, alors là, tu veux lui dire, bah, ce que tu fais, c'est la même chose. Comme ça, Ati. Fain kala, huwa min qasd khashaba, ou hajaran, ou buniyat ala kabrin, ou ghayrihi, yad'ouna zalika, yasbahouna lahu, wa yakuluna innahu yukaribuna ila Allah zulfa. Wa yadfa'a Allahu anna bi barakatihi, ou yu'tiina bi barakatihi. Fakul sadakt. Hadha huwa fi'lukum 'inda al-ahjar wal-abniyah. التي على القبور وغيرها فهذا أكرر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. Donc s'il te dit que adorer les asnam, c'est les viser en elles-mêmes, viser des bouts de bois, viser des pierres ou viser des bâtisses sur des tombes ou autres, d'invoquer celles-ci, d'égorger pour elles et de dire qu'elles nous rapprochent d'Allah et que par leur biais, Allah repousse de nous le mal et nous apporte sa baraka. Donc tu lui diras, tu as raison. Et c'est exactement ce que vous faites vous. Vous voyez, ce que vous faites vous, c'est la même chose. Mais là, ici, c'est un al-Ahjar, j'ai pas compris pourquoi il parle de Ahjar, car ces gens-là n'adorent pas les Ahjar. Wa qala and al-Ahjar wal abniyah ala al-kubur, et les bâtissent sur les kuburs, sur les tombes ou autres. Donc là maintenant, cette personne-là, alhamdoulilah, il a reconnu, voyez, que ce qu'ils font ces gens-là, ça s'appelle « ibadatul asnam ». Donc on lui dit, ce que tu as reconnu là, c'est exactement ce que tu fais, quand même, avec le Nabi que tu invoques, ou avec le Wali que tu invoques. « Ala huwa nafsu tamaman ». Donc là, en faisant cela, tu le contrains à reconnaître qu'il fait du shirk. ويقال له ايضا قال المؤلف ويقال له ايضا قولك الشرك عباده الاصنام هل مرادك ان الشرك مخصوص بهذا وان الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في الشرك فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكه او عيسى او الصالحين. فلابد أن نكرر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو المشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. Donc on dit également, ta parole que le shirk, c'est le fait d'adorer l'asnam, est-ce que tu veux dire par là que le shirk n'est limité qu'à cela? C'est-à-dire que pour toi, le fait de se baser sur les salihin, ou de les invoquer, ce n'est pas du shirk? Eh bien cela est réfuté par le Coran. Lorsqu'il a cité le kufr de ceux qui s'accrochaient aux malaïka ou à Isa ou aux salihin, comme sa mère. Allah a bien démontré que cela était du shirk également. Donc après cela, il sera obligé de reconnaître que celui qui aura associé Allah dans l'adoration, c'est-à-dire en invoquant autre que lui, même comme les salihin, et alors c'est le shirk que Allah dans le Coran aura cité. Donc là, il est contraint encore de reconnaître que le shirk, le fait d'invoquer les pieux, de se baser sur eux, les aouliers et les alika, c'est le shirk que Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran, c'est le shirk que Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans son Coran. ثم قال المؤلف وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له ما الشرك بالله فسره لي فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسر لي. Donc après, si lui, il continue à te dire, moi, je ne fais pas de shirk, je n'associe rien à Allah. Donc dis-lui, qu'est-ce que le shirk? Explique-moi, qu'est-ce que le shirk? S'il te dit, c'est l'adoration des asnam. Dis-lui, Que veut dire Adru l'Asnam? Explique-moi clairement. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل له ما معنى عبادة الله فسر لي فسرها لي فإن فسرها بما بينه القرآن فهو مطلوب وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه. Lui s'il te dit moi je n'adore que Allah, dis-lui que veut dire adorer Allah, explique-moi. Si jamais il te l'explique comme cela est venu dans le Coran, alors c'est la chose désirée. Et si jamais il ne peut te répondre, alors ça veut dire qu'il prétend une chose qu'il ne connaît pas. Comme on parlait du shirk précédemment. Tu prétends une chose, tu prétends faire une chose que tu ne connais pas. Et tu t'es innocenté d'une chose également que tu ne connais pas. Comment cela est-il possible? ثم قال فإن فسر ذلك بغير معنى بينت له الآيات الموضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صح إخوانهم حيث قالوا الجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Donc après ça, si jamais lui vient à t'expliquer ce shirk de façon hors contexte, alors éclaircis-lui les versets qui sont venus clarifier le sens du shirk. Tayeb, et le sens de l'adoration des awthan, des idoles. Et lui démontrer que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est exactement cela. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est exactement cela. Et que le fait d'adorer Allah seul, sans associé, c'est la chose que Quraysh ont rejeté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout comme vous aujourd'hui, vous, leurs frères, dans le shirk, vous rejetez de nous lorsqu'on vous y appelle. C'est la même chose. Ce qui s'est passé dans le passé, se reproduit aujourd'hui dans le présent. Car le shirk n'a pas changé, et le tawhid n'a pas changé. Et vous également, ne m'ajoutez qu'on n'est pas changé. De façon générale. Maintenant, il y a des petites différences sur certains points, comme cela va venir, que les mouchikouns d'aujourd'hui sont pires que ceux d'avant. Ça va arriver, Inch'Allah, dans le kitab. Al-Muhim, cela nous ramène à ce que celui qui apprend le tawhid tamaman, qui apprend la dawa du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Vous voyez, le fond est le même. La forme change, les apparences changent, mais le fond est le même. Quand tu as compris le fond, alhamdoulilah, les usul, le reste est beaucoup plus facile pour toi. Donc là, cette personne-là, soit il va t'expliquer la chose telle qu'elle est, comme le Coran l'aura voulu, et ça, c'est ce qui est axé à la base, ce qui est voulu. Donc là, il sera coincé. Soit il ne connaît pas le sens. Donc on lui dit, comment prétends-tu une chose que tu ne connais pas? Ça y est. Et comment te permets-tu de dire que tu adores Allah, alors que tu ne sais pas c'est quoi adorer Allah seul, et que tu prétends ne pas faire de shirk, alors que tu ne connais pas c'est quoi le shirk. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Quand il ne sait pas, on lui explique, on lui éclaircit. Al-ibada, wa kaza, wa kaza, wa kaza. Wa shirku, wa kaza, wa kaza, wa kaza. Pas même, et là ça revient à ce qu'on disait au début, et qamat al-hujja. Tu lui démontres la preuve, qui va le contraindre à suivre par la suite. Soit il accepte, ou soit alors, un jugement décisif sera appliqué sur lui. Bien qu'aujourd'hui, on déclare clairement que ce qu'il fait, c'est du shirk. Mais on se dit peut-être qu'il a une shubuhat, il ne connaît pas. Donc on lui explique. Après, il va expliquer clairement, comme le shirk le fait dans le livre, là. Car c'est un débat, pour enlever les shubuhat de ce genre-là. Après cela, le hukm, yakor alayhi, comme akor ta'ala, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasoula. Nous n'avons jamais détruit des contrées, si ce n'est après leur envoyer un messager. Taïeb. Fa'ilium sanakifuna. Taïeb. Et par la suite, on continuera. Et il viendra également avec une shubuhat, qui est l'une des principales, qui est le fait qu'ils prétendent être des gens de l'islam. Donc comment peut-on agir avec eux, comme on agit avec les Quraysh qui, eux, refusaient l'islam à la base. Cette shubuhat-là est parmi leurs plus grandes également. C'est celle qui les perturbe le plus. Vous dire, nous, on est des musulmans. Comment vous venez avec des versets sur les mouchikines, vous appliquez sur nous. Wa hadha fi ad-dars qadim inshallah ta'ala. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.